je suis sur Chante France. Tous les artistes des plus belles chansons françaises sont sur Chante France. Ligne de chemin de fer, dans ma tête y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer, dans ma tête y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall, je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Moi je voulais les sorties de port à la voile, la nuit parée les étoiles. Moi les chevaux, le revolver et le chapeau clown, la belle Peggy du saloon. Peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y'a pas d'affaire. Donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y'a rien à faire. J'suis mal en campagne, j'suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Chante France, chante France, chante France. Les plus belles chansons. Les plus belles chansons françaises. Tu veux m'essayer, même une semaine. Si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Si tu veux m'essayer, ma tête et mes veines, mon corps et mes idées, mes peurs et mes haines. Je me ferai tendre pour t'apprivoiser, pour te garder, pour te défendre. S'il le faut, je me ferai sorcier. Si tu veux m'essayer, sans jurer toujours, juste pour y goûter, sans parler d'amour. Si tu veux m'essayer, écouter les plus belles chansons françaises pendant l'été sur Chant de France. Dans la rue, dans la rue, dans la rue.

chanson française. Chante France. Toutes ces pelles que je ramasse, ça me rappelle à ma place. 10 heures, tu m'as laissé tout seul du mauvais côté. 10 heures, j'ai pas la clé, tombé. 10 heures, même en été, la pluie ne m'a pas lâché. 10 heures, tu m'as laissé tomber. À la porte, côté seuil, et tous ces deuils que l'on transporte, toutes ces fleurs, toutes ces couronnes, je n'ai plus peur de personne, non. 10 heures, tu m'as laissé le mauvais côté. 10 heures, j'ai pas la clé, tombé. 10 heures, même en été, la pluie ne m'a pas lâché. 10 heures, tu m'as laissé tomber. Et si

aime l'été? Chant de France vous fait chanter les plus belles chansons françaises. cherche le chemin. Qui cherche le chemin. Qui cherche le chemin. Soleil sur ton si beau visage, aux abeilles se mêlent la voix de Bob Dylan. Knock, knock, knocking on a heaven's door. Un matin suspendu aux fleurs de ton jardin, ma main sur ton petit cul cherche le chemin. Un matin suspendu aux fleurs de ton jardin, ma main sur ton petit cul. Les plus belles chansons françaises. Chante-France. J'ai déposé mes armes à l'entrée de ton cœur sans combat, et j'ai suivi les chars lentement en douceur quelque part là-bas, au milieu de tes rêves, au creux de ton sommeil, dans tes nuits, un jour nouveau se lève, à nul autre pareil, et tu sais depuis. Qui m'a montré le passage.

cette situation. Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Et mon tout fait des souvenirs. Chanson française. Chasseur prime, hey. et s'enroulent et qui meurent pour que leur vie vienne sur terre juste pour y répandre un peu d'amour et de quelques cendres. On se souvient. Cette femme a fui encore une autre vie. On la voit comme quelqu'un qui a bien réagi face à la mort et à l'oubli. Elle tourne sur un monde solitaire. Elle court. On se souviendra de ceux qui commettent un crime un jour, de tous ces chasseurs de primes. Oh non, non, pas de sa vie, t'en mets dans l'ouïe. Des villes sans mémoire, qui se souviendra ceux qui ont tué. Bonjour, c'est Pascal Obispo avec vous sur Chante France. Tous les artistes des plus belles chansons françaises sont sur Chante France. Chante France. J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà. Voilà soudain que le bonheur est fait pour moi. Qu'il prend la forme de mes mains quand je caresse. Que je n'ai plus peur pour un rien qu'il disparaisse. J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà. Voilà soudain que le bonheur est fait pour moi. Qu'il se pose au bout de mes lèvres lorsque j'embrasse. Que sa petite musique mière me cloue sur place. J'ai fait pas malheureux de n'avoir su avant. Être heureux simplement, si c'est pas malheureux, d'avoir su aussi peu, simplement être heureux, si c'est pas malheureux, d'avoir su aussi peu, simplement être heureux. Voilà soudain que le bonheur est fait pour moi. Il se glisse sous mes paupières quand vient la nuit. Lui l'éternel chat de gouttière dort dans mon lit. J'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà. Voilà soudain que le menteur parle de moi. Que je me reconnais dans ses belles paroles. Moi qui n'avais que des idées au vitriol. Avant, être heureux simplement, si c'est pas malheureux, d'avoir su aussi peu, simplement être heureux, si c'est pas malheureux, de n'avoir su avant, être heureux simplement, si c'est pas malheureux, d'avoir su aussi peu, simplement être. Simplement être deux. Simplement être deux.

passer l'été avec les plus belles chansons françaises sur Chant de France. Sur Chant de France.

veut bouffer des fraises, elle a des envies balèzes. Moi, je suis aux petits soins, je me défonce en huit pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque. Elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses pelotes de laine. Elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre tout le temps. Je lui dis qu'elle est belle comme un fruit trop mûr. Elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est. Moi aussi, je débloque depuis qu'elle est en cloque. Sauf que je retire mes grolles dans la chambre du petit rossignol qu'elle couvre. C'est que son petit bonhomme qui arrive en décembre, elle le protège comme une louve. Même le chat pépère, elle en dit du mal sous prétexte qu'il perd ses poils. Elle veut plus le voir traîner autour du paddock depuis qu'elle est en cloque. Mène mes mains de l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing. Ça bouge, je lui dis t'es un jardin, une fleur, un ruisseau. Alors elle devient toute rouge. Parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque. Chante France, les plus belles chansons françaises. Avec Patrick Bruel, ce monde-là. Y'a ceux qui pleurent et ceux qui prient, et ceux qui parlent un peu trop fort. Y'a ceux qui se mettent à l'abri, même s'il n'y a pas de pluie dehors. Y'a ceux qui meurent d'amour aussi, et ceux qui n'ont pas fait d'effort. Y'a ceux qui disent que c'est fini, et ceux qui veulent y croire encore. Y'a ceux qui regardent le ciel, et ceux qui croient qu'ils sont heureux. Ceux qui pensent que tout est pareil, et ceux qui jouent avec le feu. Ceux qui parlent dans leur sommeil, ceux qui n'ont pas su dire adieu. Ceux qui ont envie de soleil, et tous ceux qui ferment les yeux. Et il y a toi, il y a moi, il y a nous deux dans ce monde-là. Nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la surface. Y'a ceux qui ont refait leur vie, ceux qui ont défait leur bagage. Ceux qui tombent pour la patrie, et ceux qui n'ont pas été sages. Y'a ceux qui rêvent leur symphonie, ceux qui ferment les livres d'images. Ceux qui n'ont plus aucune envie, ceux qui se cachent le visage. Y'a ceux qui crient avec les loups, et ceux qui auraient tellement à dire. Ceux qui ne vivent qu'à genoux, ceux qui donneraient tout pour s'enfuir. Y'a ceux qui se cherchent partout, ceux qui ont perdu le sourire. Y'a ceux qui se tiennent debout, et ceux qui n'ont fait que mentir. Et y'a toi, y'a moi, y'a nous deux dans ce monde-là. Nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la surface. Et y'a toi, y'a moi, y'a nous deux dans ce monde-là. Nous deux au milieu de la foule, enlacés comme un serpent qui s'enroule. Y'a ceux qui abandonnent tout, et ceux qui rêvent de voyage. Ceux qui ont des idées sur tout, ceux qui entendent les messages. Y'a ceux qui sont à moitié fous, qui ne voient même plus les virages. Y'a ceux qui n'ont plus rien du tout, et ceux qui veulent davantage. Et y'a toi,

à moi. Le soleil déjà aide-moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Le soleil déjà aide-moi. Chanson française. Chante France, chante, chante France. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis. Je subis cette cacophonie qui me la tête assommante harmonie.